Mais ça vient de l'autre dimension, qui est la dimension de l'autonomie devant Dieu. Et cette autonomie devant Dieu, elle est basée sur la relation au tawhid. Et la relation au tawhid, c'est un processus de libération. Libération de tout ce qui est la dimension de toutes les idoles, du shirk, dont toutes les idoles qui sont les idoles non pas matérialisées, mais qui sont ce par quoi on est attiré dans l'ordre des apparences, dans l'ordre du rapport au corps. Le tawhid, c'est ça. C'est l'éducation personnelle pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et sortir de tout ce qui nous aliène, c'est-à-dire la perception du rapport au corps, la perception du rapport aux apparences,